Tu as choisi de partir chez toi. Quand le soir fécond se défaisait du ciel. Sur les étangs et les chemins gorgés de pluie. Et lorsque les branches des arbres et tes mains brunies par le soleil façonnaient en un fil de mer, renaissait ta l'image de ta perpétuité. Avant de partir, tu nous as conviés. Autour de ta table et de ton vin, comme tant d'autres fois, réconciliant des parents longtemps séparés. Et quand la nuit s'est abattue sur les prairies que tu labourais, enfant, témoin verdoyant de ta bravoure pendant les veillées de ta maladie. Et impénétrable sous les champs fertiles de la baisée, de la baisée, avril 2005. Autrefois, réconciliant des paroles longtemps séparées, et quand la nuit s'est abattue sur les prairies que tu labourais, enfant, témoin verdoyant de ta bravoure pendant les veillées de ta maladie. Elle se peuplère de grenouilles nouvelles, sautillant mystérieux hommage à leurs plus vieux chasseurs. Et dans les bois les plus denses, le sanglier pleurait ton absence. Privé de tes pas, fermes et impénétrables, sous les champs fertiles de la baisée, de la baisée, avril 2005.